Comment ça? Qui t'a dit que le mal vient d'en bas? La jeunesse crie au secours en sachant qu'ils ne viendront pas. C'est accent NF, allo allo, dealer qui a conflit. Ça prend le mic pour raconter le mal qu'on vit. Si ça parle mal en 2-7, règle, ça crée des histoires. L'ambiance est trop sec et comme neuf, tu veux que je te dise quoi? Trop qui est certain, la zone en perd la boule. Ça parle de bac de 12, de paire de couilles, tout ça d'une pierre de coups. L'index collé au cap, c'est du sang sur les mains. Juste de la peinture étroite, l'aide qui représente les miens. J'ai vu la zone jouer le rôle de ma mère alors que l'état tire la charge. Je veux sortir de la merde, y'a danger. Avec les chevilles comme BRAKO, nique sa mère Sarkozy, c'est pas demain qui nous verra KO. Y'a danger pour tous les petits cons de ma zone qui devant la maille demeurent en contemplation. On voit vite devenir le goût de la vie amère. C'est dire à dire, mais je pèse mes mots quand je dis nique sa mère. Tiraillé entre la raison et la folie. Si les petits cons s'attendent majeur à la police. Comment ça, tu croyais quoi? Toi pas là pour plaisanter. Avant qu'il soit trop tard, on est venu représenter. Ouais, c'est les petits cons qui viennent te rendre fada. Ça crève nada dans la gamelle, y'a toujours nada. Écoute, ça casse sans fin, sous une rime, ça sort du cœur. Ça part un couille et tous les comptes se règlent au corps à corps. Ça vient du trait, normal que ça fasse trop de mal aux adversaires. Écoute nos vies, écoute nos sons, écoute la voix de nos frères. Et laisse-moi dire que t'es grillé comme une merguez. Et laisse-moi dire qu'il en faut bien plus pour me faire taire. Et laisse-moi dire que bande de clubs ont vu tes fesses. Et laisse-moi dire que t'es tout fou et que les frères baissent. On va faire court, je te dis direct, moi j'ai pas que ça à faire. Tu parles trop mal, tu vaux que dalle, mais tu te balades tout faire. Fais-moi cette tête, trop busy. T'es qu'un envrac à la gamanie. T'as pas d'amis, même que toi, je suis sûr que tu volerais même ta famille. Tu suces Paris la honte, salope, je te crate et tu le mérites pédé. Tu grattes à droite, à gauche, tu manges des bites pour 2-3 feet pété. T'as berné le monde, mais c'est fini, des gains croient tes bobards. T'as les graines PC, moi je t'aurais pas dû te frotter au petit connard. Moi le la vérité, et comme lui je t'en bouffe du saleur. Je représente plus le Grun Ricker. C'est un remix de 10 rappeurs. Évite de vouloir death. Si tu veux garder la face, retourne montrer ton cul en boîte, mec. C'est là que ta place. Comment ça, tu croyais quoi? Toi pas là pour plaisanter. Avant qu'il soit trop tard, on est venu représenter. Ouais, c'est les petits cons qui viennent te rendre fada. Ça crève nada dans la gamelle, y'a toujours nada. Écoute, ça casse et sans fin, sous une rime, ça sort du cœur. Ça part un couille et tous les comptes se règlent au corps à corps. Ça vient du trait, normal que ça fasse trop de mal aux adversaires. Écoute nos vies, écoute nos sons, écoute la voix de nos frères. Écoute la voix de nos frères. Damn, Axe, Nef, Khalif, Rako, Zachik, Diffus, Dula Kent, Flosh, Panique, tout ça. Et les amis, on a plein d'amis. Tous les rappeurs pétés qui valent pas MP Source. Avant de penser aux S, faut d'abord envoyer la sauce.